Vous écoutez France Culture. Troisième temps d'une histoire des espions et de l'espionnage dans la fabrique de l'histoire. Cette semaine, lundi, nous discutons avec deux anciens de la DST du plus grand fait d'armes de cette institution, la Direction de la Sûreté du Territoire, l'affaire Farwell, qui permit de mieux connaître les réseaux soviétiques en Europe au début des années 80. Hier, mardi, notre documentaire signé Anaïs Quien et Séverine Cassard nous a raconté la tragique histoire des époux Rosenberg condamnés à mort et exécutés en pleine guerre froide aux États-Unis pour avoir espionné pour le compte de l'Union soviétique. Et demain, nous nous demanderons comment l'espion a pu être, la figure de l'espion a pu être considéré successivement comme traître ou comme patriote avec Stéphane Genet, Aude Sirier et Yannick Dehé. Et nous allons ce matin donc nous promener dans l'exposition de la Bilipo à Paris, Espionnage, les espions se livrent, avec ses deux commissaires, Bruno Fuligny et Catherine Chauchard, ainsi que Jean-Louis Crémieux-Briac, historien et ancien de la France libre. On y parle crypto des messages secrets depuis l'affaire Dreyfus, innovation anglaise pendant la Seconde Guerre mondiale, des mythes littéraires autour de la figure de l'espion ou encore du cassage des codes. C'est une balade donc dans cette exposition jusqu'à 10h. Espionnage, les espions se livrent à la Bilipo à Paris. Nous voici donc à la Bibliothèque de littérature policière à Paris, au 48 rue du Cardinal Lemoine, avec nos invités dans cette semaine consacrée à l'espionnage. Nos invités sont Jean-Louis Crémieux-Briac. Bonjour Jean-Louis. Bonjour. Vous êtes donc historien, mais vous avez été donc à Londres dans les années à partir de 1941-44. Et vous avez raconté en tant qu'historien l'histoire de la France libre, mais aussi vous avez participé aux activités de la France libre et en particulier à ces activités qui étaient des activités de codage, des activités qui permettaient d'avoir des messages qui étaient transmis depuis Londres ou depuis Alger jusqu'au territoire métropolitain. On en parlera avec vous exactement un peu plus tard. Et puis Bruno Fuligny est avec nous. Bonjour Bruno Fuligny. Bonjour. Vous êtes historien et vous avez conçu, avec Catherine Chauchard qui était également avec nous, directrice de la Bibliothèque de littérature policière, cette exposition sur l'espionnage. Alors d'abord, on se dit, une exposition sur l'espionnage au sein d'une bibliothèque de littérature policière, c'est forcément quelque chose sur la représentation littéraire des espions. Or, on est un peu surpris parce que ça n'est pas que cela, ce que vous avez voulu montrer ici. Ça n'est pas que cela, et en même temps, le public connaît surtout les services de renseignement à travers la fiction. Et donc, l'idée a été d'étudier les rapports entre la fiction et la réalité en prenant comme ligne directrice l'écrit. L'écrit au sein des services de renseignement, comment l'écrit est perçu et utilisé. L'écrit qui est à la fois une menace, par exemple l'écrit est subversif, l'écrit risque de révéler des secrets d'État, les écrivains aussi ont mauvais esprit, donc ils vont tourner en dérision, en ridicule les services, donc on surveille les gens qui écrivent. Et en même temps, les services de renseignement utilisent l'écrit, ils produisent des rapports, ils codent, ils déchiffrent, ils décryptent, ils dissimulent des écrits, et puis l'écrit est parfois une sauvegarde jusqu'à d'ailleurs la publication d'ouvrages en direction du grand public par aussi bien des historiens que des professionnels du renseignement et parfois même des fictions. Nous verrons que des grands noms de la littérature d'espionnage sont des hommes ou des femmes qui ont connu le monde du renseignement de l'intérieur. Donc l'idée, c'est de voir comment ce que nous savons des services de renseignement par l'écrit et ses dérivés, aussi la télévision, le cinéma, et correspond ou non à une réalité historique et à une réalité, je dirais, organique. Parce que le renseignement, c'est aussi un métier. Ce ne sont pas juste des aventuriers qui surgissent comme ça, dotés de pouvoirs surhumains, pas du tout. Ce sont généralement des fonctionnaires de l'État qui ont été formés, qui ont des missions bien précises, avec un cloisonnement très fort, et qui suivent des processus, qui ont suivi souvent une formation, qui appliquent des méthodes, qui ont une hiérarchie. Et tout cela ne se voit pas forcément dans la fiction. Alors, Jean-Louis Crémieux-Briac, vous avez eu connaissance quand de ces activités d'espionnage ou de contre-espionnage avant la guerre déjà? Est-ce que lorsque vous étiez plus jeune, vous aviez soit des lectures qui correspondaient à cela, soit au contraire une connaissance déjà un peu approfondie, parce que vous étiez déjà un militant engagé, un militant politique, de ces questions de l'espionnage et du contre-espionnage? Oh oui, bien sûr. Et puis, enfin, l'affaire Dreyfus, c'était un souvenir tellement vivant encore à ma génération, à la génération de mon père et à ma génération. Enfin, c'était cette affaire qui était basée justement sur l'interprétation de documents d'espionnage, fausses interprétations, fabrication de faux documents d'espionnage. Mais dans les années 30, l'inquiétude de l'espionnage était quelque chose de très vif. Pourquoi ? À cause de l'arrivée au pouvoir de Hitler ? Oui, oui, à cause de la menace hitlérienne, c'est ça. La France avait une espèce d'obsession de la propagande allemande et de l'espionnage allemand. Au point que les Anglais se sont figurés que la défaite française avait été terminée par une cinquième colonne. Oui. Avec cette obsession de la cinquième colonne. Obsession de la cinquième colonne. Donc d'une colonne qui aurait pris en écharpe la France de façon secrète pour pouvoir justement permettre la défaite de la France. Oui, toute une. Un ensemble d'affabulations ont couru à travers la France et en Angleterre également. C'est d'ailleurs difficile quand on travaille sur ce sujet, Bruno Fellini, que de démêler le vrai du faux, c'est-à-dire qu'il y a à la fois évidemment des véritables opérations de déstabilisation, mais il y a également des opérations de déstabilisation qui sont rêvées par les acteurs eux-mêmes. Il y a ensuite les récits et les mémoires de ceux qui racontent leurs souvenirs et qui, évidemment, dans ces cas-là, peuvent embellir leur rôle. Comment faire un travail d'historien au milieu de tout ça, historien amateur, historien professionnel? Comment on arrive à cheminer au milieu de tout cela? Et puis les rumeurs. Oui. C'est tout l'intérêt du sujet, et toute sa difficulté, ça va de pair, c'est qu'on est dans un jeu de miroir, on est au milieu de multiples manipulations, alors il faut essayer de ne pas être dupe des manipulations, il faut essayer aussi de ne pas devenir complètement paranoïaque. Il y a eu, à partir de la Première Guerre mondiale, d'authentiques crises de ce qu'on a appelé l'espionnite. Hein, à une époque, par exemple, les Français étaient persuadés que le bouillon cube Maggi, c'était un fauné des services de renseignement allemands, et il y a eu, pendant la Première Guerre mondiale, des magasins qui ont été saccagés parce qu'il y avait des publicités Maggi et on prêtait au bouillon cube, avec ce cas hautement suspect, tellement germanique, eh bien on prêtait à ce cas une symbolique dangereuse, peut-être un plan d'invasion qui était dissimulé dans ces panneaux émaillés. Donc il faut se défier de tout cela. En même temps, les manipulations existent. J'ai derrière moi des documents qui se relient directement à des manipulations qui ne sont pas imaginaires, mais qui, bien sûr, ont fasciné, par exemple, les écrivains romantiques. Un homme comme Fouché est un homme qui vit dans la manipulation et dans le mensonge, qui en vit et qui en crée, et qui peut-être à un moment s'est perdu lui-même dans certaines de ces manipulations. Balzac s'est intéressé au mystérieux enlèvement du sénateur Clément de Rie, un sénateur qui est enlevé par des brigands, il est finalement libéré, on trouve les brigands et on les guillotine. Oui, mais si on regarde de près, il n'est pas possible que les gens qui ont été guillotinés aient enlevé ce sénateur. Et c'est très vraisemblablement une opération de police secrète que Fouché a couverte. Il a fait accuser des innocents, il les a fait exécuter. Ainsi, il y avait des coupables et donc l'instruction était close. Bon, nous sommes dans la manipulation suprême, puisque in fine, il y a quand même des collations de trois innocents. Alors justement, on est juste face à cette vitrine qui évoque ce cas-là, donc avec des extraits de la collection particulière qui est la vôtre, je pense, Bruno Fellini, donc des textes de Fouché soi-même au président du Sénat et devant évidemment un extrait de La ténébreuse affaire d'Honoré de Balzac, considéré souvent comme le premier roman policier français de l'histoire, mais Catherine Chauchard nous rappelait tout à l'heure que c'est plutôt le premier roman d'espionnage de l'histoire de France, donc, et évidemment au-dessus, vous évoquiez tout à l'heure l'affaire Dreyfus, on voit évidemment la dégradation de Dreyfus dans la cour de l'école militaire avec un extrait du Petit Journal. Tous ces éléments sont là pour nous dire que le 19e siècle est un moment très important vis-à-vis de cette question de l'espionnage, de sa popularisation en particulier par la grande presse, par la presse feuilletonnante, qui est cette presse qui va rendre la figure de l'espion ou du contre-espion soit sympathique, soit déplorable. C'est-à-dire que l'espion, le mot étant très péjoratif, c'est toujours l'ennemi. Et aujourd'hui encore, personne ne fait de l'espionnage. On fait du contre-espionnage. Soi-même, on a une activité de renseignement, ce qui n'est pas du tout la même chose, bien évidemment. Bon, À la fin du XIXe siècle et pendant toute la première moitié du XXe siècle, on va se passionner pour toutes sortes de complots qui se relient à ce que j'appellerais la police secrète, d'où l'ambiguïté entre police et espionnage. Aujourd'hui, nous faisons clairement une distinction, alors que certains services de renseignement, aujourd'hui encore, dépendent du ministère de l'Intérieur, comme la DCRI. Au temps de Fouché, que fait Fouché? Il est ministre de la police générale. La police générale, c'est aussi bien la police qui poursuit les criminels, mais ça, c'est bas, je dirais, que la police politique. Et bien sûr, c'est dans ce domaine-là que Fouché va exceller et que les manipulations vont être les plus nombreuses et les plus retorses et les plus fondamentales. Donc cette police, petit à petit, va avoir des effectifs qui vont s'étoffer, va mettre au point des méthodes qui sont des méthodes extrêmement élaborées, à la fois pour parvenir à ses fins par tous les moyens, et je dirais que plus on aura une façade légale avec du beau papier en tête, du ministère, des tampons, plus on aura recours à des moyens terrifiants. Et puis cette police, sur le fond, que fait-elle d'autre qu'éliminer des adversaires? C'est une police qui, en fait, ma foi, est une police véritablement criminelle. C'est une police qui n'hésite devant rien. Bien sûr, les écrivains, les journalistes et tous ceux qui s'intéressent à la politique vont chercher à voir derrière ce qui est visible dans la politique, la main de cette police. Alors, vous-même, Jean-Louis Crémieux-Briac, vous disiez tout à l'heure, évidemment, avoir le souvenir dans votre famille, parce que c'était une famille qui était effectivement très touchée par l'aventure Dreyfusard, dans l'occurrence, de cette affaire Dreyfus. Mais il y a aussi toutes les l'espionnite qu'évoquait tout à l'heure Bruno Fulini dans la Première Guerre mondiale. J'imagine que les Matahari et les autres sont présentes dans votre imaginaire, vous qui naissez donc un peu après cette Première Guerre mondiale, à ce moment-là. Donc, tout ça, ça compte aussi dans l'imaginaire d'un jeune homme comme vous, à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Absolument. Et alors j'ai ensuite découvert ce qu'avait été d'abord le fonctionnement de l'espionnage, ce qu'on n'appelait pas l'espionnage, c'était les services de renseignement, du côté britannique et du côté français à Londres. Et puis j'ai ensuite découvert ce qu'avaient été les rumeurs extraordinaires qui laissaient entendre en 39-40 qu'il y avait des espions allemands partout. Parce qu'on leur donnait quelle vertu ou quelle qualité ou quel, au contraire, défaut, à savoir d'être plus puissant, plus fort que les autres. Ils étaient présents. Il y avait une espionnite en France et en Angleterre qui s'est développée à partir et autour des émissions en allemand de la radio Stuttgart et de la radio allemande en langue anglaise. Oui, donc on avait l'impression que les Allemands gouvernaient d'une certaine façon les opinions, qu'ils étaient capables de les faire se mouvoir, et donc qu'il fallait s'en méfier, et donc mettre en place des services de renseignement qui allaient les combattre, cela ? Oui. C'est une affaire tout à fait curieuse. Alors, vous-même, vous êtes arrêté en tant que soldat. Vous êtes fait prisonnier. Vous partez en Oflag. À l'Oflag, avant de vous en échapper et de revenir à Londres, Jean-Luc Crémieux-Briac, comment imagine-t-on la possibilité, par exemple, de faire passer des messages soit à sa famille, soit à ses supérieurs, soit aux instances de l'armée qui ne sont pas prisonnières? Comment fait-on Nous recevions des Allemands une lettre formatée et deux cartes par mois, je crois, à écrire, que nous pouvions envoyer aux familles. Et donc un certain nombre d'officiers, dès le mois d'août 1940, se sont appliqués à faire passer des messages à leurs familles, soit en inventant des codes, par exemple portant sur la deuxième lettre de chaque ligne ayant une signification, soit un message écrit à l'urine, sur ces papiers à lettres fournis par les Allemands. Pour pouvoir justement transmettre des données qui ne puissent pas être lues ou comprises, ces données, par les Allemands. Par les censures, c'est ça. Et le général Giraud, d'ailleurs, a pu s'évader grâce à tout un système d'informations secrètes transmises de cette façon. Il y avait donc un savoir populaire, pourrait-on dire, parce que tous ces gens dont nous parle Jean-Louis Crémieux-Briac, Bruno Fulini, ils n'avaient pas été formés à l'espionnage, pas encore, ça viendra plus tard pour Jean-Louis Crémieux-Briac, à l'espionnage ou au contre-espionnage. En fait, il faut remonter à la défaite de 1870. Défaite brutale, humiliante, presque inexplicable pour de bons patriotes, et qu'on va être tenté d'expliquer par la présence des Allemands, d'un véritable réseau très structuré des Allemands et de leurs complices sur le territoire français, déjà sous le Second Empire. C'est beaucoup plus faux. Ça n'est pas de notre faute. Ils ont triché. C'est parce qu'ils ont triché. Ils ont triché. Et il n'est pas absurde de dire, sans entrer dans cette interprétation-là, que les Allemands avaient effectivement un service de renseignement plus au point, à une époque où les Français avaient aussi des services de renseignement extérieur, mais étaient un peu faibles sur ce qu'on appellerait aujourd'hui le contre-espionnage. Bon, à partir de là, va se développer à la fois une littérature d'espionnage. On commence à avoir une vraie littérature d'espionnage après 1870, qui est une dérivation de la vieille littérature patriotique. Mmh. Le méchant devient soit l'Allemand infiltré, soit le traître au service de l'Allemagne. Et cette culture du renseignement-là va se développer aussi bien à travers la fiction qu'à travers aussi des faits divers. L'affaire Dreyfus, au départ, elle a une telle importance parce qu'on est quand même choqué de penser qu'il puisse y avoir un officier français à l'état-major, au ministère de la Défense lui-même, qui puisse éventuellement travailler pour l'ambassade d'Allemagne, qui est à quelques dizaines de mètres de là. Ensuite, il y a toutes les autres péripéties, et c'est d'ailleurs grâce à un écrivain que l'affaire Dreyfus va être vraiment l'affaire Dreyfus, je pense à Zola. Mais au-delà, il y a d'autres affaires qui vont défrayer la chronique. On a perpétuellement des arrestations d'espions qui font la une du petit journal, du petit Parisien. Il y a un fait complètement oublié aujourd'hui, mais qui a beaucoup marqué les esprits juste avant la Première Guerre mondiale, c'est l'histoire de l'évasion du capitaine Lux. Et je souriais en entendant Jean-Louis Crémieux-Briac, qui nous décrivait en 1940, finalement, la répétition de quelque chose qui a eu lieu dans une forteresse allemande en 1912. Le capitaine Lux, officier français en civil arrêté en territoire allemand, lui dira toujours qu'il n'a jamais été espion de sa vie. Il a juste fait un petit stage au deuxième bureau avant d'aller en civil en Allemagne, c'est tout. Les mémoires qu'il a laissées montrent bien qu'il maîtrisait absolument toutes les techniques. Lui, une fois qu'il va être emprisonné par les Allemands, il va manger presque quotidiennement, c'est le menu qu'il va choisir, des escalopes panées. Pourquoi des escalopes panées? Parce que c'est toujours accompagné d'un quartier de citron. Et avec du jus de citron, eh bien, on fait une encre sympathique, rudimentaire, mais parfaitement efficace. Et donc, exactement de la même façon, il va écrire à sa famille, et entre les lignes, ou perpendiculairement aux lignes d'une correspondance banale, ses frères sont officiers, ils savent très bien ce qu'il faut faire avec ce genre de courrier que l'on reçoit, ils les font chauffer, et petit à petit, il va recevoir des colis, et dans ces colis, toutes sortes d'objets anodins qui, assemblés, vont lui permettre une évasion spectaculaire à la fin de l'année, au moment où la surveillance est un petit peu relâchée dans sa forteresse. Cette évasion d'un officier français qui part du cœur de l'Allemagne, qui réussit à s'exfiltrer, peut-être tout seul, peut-être avec des complices. Évidemment, ça fait la une de la grande presse. Ici, là, devant nous, la une du petit journal, donc datée du 14 janvier 1912, où on voit ce personnage donc en train de descendre une forteresse aux grosses pierres de taille, donc à l'aide d'un drap noué, de plusieurs draps noués. Donc, il a jeté son baluchon sur la courtine et il va ensuite pouvoir s'évader de cette forteresse. Et deux choses remarquables. Donc, il a réussi à scier les barreaux. C'est donc d'une manière ou d'une autre, il avait l'outillage pour le faire. Et le petit journal qui aime tellement montrer les visages des protagonistes, bizarrement, pour cette une-là, eh bien, nous montre un homme de dos. On le voit descendre le long de la paroi, mais on ne voit que sa nuque. Et il faudra attendre 20 ans plus tard, la publication de ses mémoires pour connaître le visage du capitaine Lux. Oui, Catherine Chauchard, tout de même, vous qui êtes spécialiste de littérature policière, on se dit on n'est pas très éloigné dans une telle évasion de ce qu'on connaît de Rouletabille ou de ce qu'on connaît de la littérature, disons, feuilletonesque de cette fin du 19e siècle, de début du 20e siècle, c'est-à-dire l'évasion, ça fait partie des figures obligées, au moins depuis Victor Hugo, et donc on a toujours ce type de personnage, soit dans la réalité, soit dans la fiction. Oui, bien sûr. Et de toute façon, les contemporains vont utiliser ces histoires-là dans une littérature populaire qui n'est peut-être pas encore une littérature d'espionnage proprement dite, mais vont reprendre ces thématiques du traître, du franc-tireur. Donc on ne parle pas de contre-espion, on parle de franc-tireur. Et dans Naz en l'air, par exemple, de Marcel Alain, il y a effectivement toutes ces aventures pendant la guerre de 14 qui sont très largement développées sur 4700 pages. C'est beaucoup. Et là, on a un exemple ici du premier roman d'espionnage qui nous viendrait des États-Unis, puisqu'il s'agit de celui de Fenimore Cooper, donc ouvert à la page de Garde, 1886. Donc, et le roman s'intitule tout sobrement L'Espion. 1886, c'est la date de cette édition en français, mais l'édition originale est sortie en 1810. C'est vraiment, pour la première fois, une affaire d'espionnage qui fait la trame d'un roman. Alors on va cheminer dans la deuxième salle de cette bibliothèque de littérature policière en passant devant Naze en l'air, donc en particulier dont vous nous parliez à l'instant même, et arriver dans la deuxième salle qui, elle, est une salle profuse, pourrait-on dire. Il n'y a pas que des affiches et quelques lettres, mais là vous avez à la fois des affiches, des lettres, des romans et énormément de matériel d'espionnage, un matériel d'espionnage dont il faut remercier donc la DGSE et la DCRI, donc les deux services d'espionnage, de vous les avoir confiés pour cette exposition. C'est une première, Bruno Follini. C'est une première absolue, hein. C'est vraiment la toute première fois que des objets et documents provenant des fonds de la DCRI et de la DGSE sont montrés au public. C'est-à-dire que ces services ont des archives, ont aussi des vitrines dans leurs locaux, bien connus des anciens des services, sans doute montrés aussi aux jeunes, aux nouveaux, pour assurer une forme de transmission, mais qui n'étaient pas accessibles au public. Et donc ce sont ces musées privés, si j'ose dire, ces musées internes en tout cas, qui pour la première fois deviennent visibles, c'est-à-dire qu'un certain nombre d'objets qui tous se relient à un métier à l'intérieur de ces services de renseignement ou à une affaire, eh bien, sont présentés au public, sont visibles sous vitrine et témoignent des différentes époques et des différentes fonctions des services de renseignement français. Alors là, on arrive au cœur de votre présence dans cette exposition, Jean-Louis Crémieux-Briac, puisque nous avons beaucoup de ces objets qui proviennent des fonds de la Seconde Guerre mondiale. Exactement. Comment vous-même avez-vous été donc pris par cette question de l'espionnage, du renseignement au sein de la France libre à Londres? Qu'est-ce qui vous est arrivé à ce moment-là et comment avez-vous été formé plus ou moins à la lecture, à la transmission de ces messages? J'étais officier de la France libre, donc affecté à un organisme qui s'appelait le commissariat intérieur, qui était responsable de l'action politique en France et des rapports avec le mouvement de résistance et avec Jean Moulin. Et donc nous étions en relation extrêmement étroite avec les services secrets proprement dit, services de renseignement et services d'action, c'est-à-dire de sabotage et de guérilla, couverts sous l'étiquette de BCRA, Bureau Central de Renseignement et d'Action, qui est bien connu maintenant dans la littérature aussi. Donc un bureau qui avait été créé par qui? Par De Vavrin, en l'occurrence? Par De Vavrin, deuxième bureau. C'était d'abord le deuxième bureau de l'état-major général de Gaulle et qui a été transformé ensuite en bureau central de renseignement et d'action pour couvrir à la fois renseignement et action militaire. Et donc, à une époque, en 1943-1944, je recevais du BCRA, c'est moi qui recevais du BCRA tous les télégrammes politiques venant de France. Donc les télégrammes codés, en l'occurrence, j'imagine. Qui étaient décodés, que le BCRA démarquait tout de même plus ou moins bien pour qu'on ne puisse pas reconstituer si facilement quel était le codage, et donc qui était utilisé pour l'information du ministre, des directives politiques à donner en France, pour la radio également, pour la radio. Vous avez travaillé pour votre ouvrage majeur qui était donc La France libre sur ces archives du BCRA, sur ce rôle du BCRA. Quel était le rôle justement d'un bureau comme celui-ci au sein d'un organisme beaucoup plus vaste qui était donc cette France libre autour du général de Gaulle? C'était essentiel, c'était au cœur du dispositif ou c'était marginal? Au cœur du dispositif, et l'action du général de Gaulle n'aurait pas été ce qu'elle a été sans ces services de renseignement et d'action en France. Alors au début, il s'agissait d'informer les Anglais sur les risques d'invasion. Ça, c'était l'affaire de l'été et l'automne 1940, à une époque où les Anglais n'avaient pas d'espions en France. Ils avaient renoncé à leur service de renseignement presque complètement, vu l'alliance franco-anglaise. Et donc, il a fallu tout reconstituer côté anglais et puis côté français. Donc, recréer un réseau d'espionnage. Recréer des réseaux de renseignement. De renseignement. Et alors, ce qui a été tout à fait remarquable, c'est que ces agents de renseignement, contrairement à ce qui est l'habitude dans les services de renseignement traditionnels relevant des ministères de la Défense, ces agents de renseignement ont été des amateurs qui ont dû apprendre le métier, improviser. Alors comment ont-ils fait? Certains avaient une petite connaissance et l'ont appris aux autres? Rien du tout. Non. Ils étaient généralement accompagnés ou en liaison avec un radio qui transmettait leurs informations. Mm-hmm. Car enfin, le problème de la transmission était un problème très très grave. Mais c'est dans ce métier de radio en particulier qu'il y a eu le plus gros nombre de pertes en l'occurrence. Le plus grand nombre de pertes, et les radios qui étaient facilement détectées par la radiogoniométrie allemande était le point faible de la résistance française, les plus vulnérables. Donc ces espions français, dont le plus célèbre est le colonel Rémy, mm-hmm. qui a raconté ses mémoires abondamment, étaient improvisés. Ils étaient formés par les Anglais, il y avait un entraînement anglais, les Anglais avaient institué des écoles extrêmement performantes d'agents d'action et d'agents de renseignement. Et ils s'efforçaient d'être des rassembleurs d'informations. Ce n'étaient pas eux-mêmes les espions qui cherchaient le renseignement. Leur problème, c'était de trouver des gens bien placés, par exemple un ingénieur du port de Brest, qui puisse leur fournir régulièrement des renseignements sur le mouvement de bateaux dans le port de Brest, avec mission pour eux de rassembler ces renseignements et de les faire parvenir à Londres. Alors ça, c'est très important, ce que vient de dire Jean-Louis Crémieux-Briac, que Bruno Fulini, c'est la maîtrise par les Anglais de cette science du renseignement, pourrait-on dire. Donc ils sont les seuls à ne pas être vaincus pendant la première offensive allemande, et ils vont s'acharner à reconstituer des réseaux, comme vient de le dire Jean-Louis Crémieux-Briac, à former des espions, des gens de renseignement, pour pouvoir les renvoyer sur les terrains qui sont occupés par l'Allemagne, et à rassembler tous ces documents pour en faire une matière utilisable politiquement en matière de politique militaire ou de politique internationale, Bruno Fulini. Oui, les Britanniques ont d'abord d'excellents services de renseignement et d'autre part, ils vont s'appuyer sur les Français. Alors d'une part, la résistance intérieure, qui peut être une pourvoyeuse d'informations, peut-être pas encore de renseignements, mais d'informations diverses que l'on va ensuite côté analyser pour en faire des renseignements au sens strict. La France libre, qui fournit des têtes de réseau tout à fait intéressantes. Dans certains cas aussi, des Français qui ne travaillent ni pour De Gaulle, ni pour la résistance intérieure, vont être recrutés directement par les services britanniques, parce qu'évidemment, dans la France occupée, c'est bien d'avoir quelqu'un dont la langue maternelle est le français. Nous avons ici, dans cette exposition, pas mal d'objets qui proviennent du musée du plan Sussex. Donc les Sussex, c'est encore tout à fait autre chose. C'est un réseau de Français qu'on va implanter en différents points du territoire, surtout au nord et à l'est, pour observer les mouvements des troupes allemandes dans la perspective d'un futur débarquement, mais sans passer par les réseaux de résistance à un moment où on a peur qu'ils soient massivement démantelés par les Allemands. Donc les Britanniques forment, utilisent des Français et vont également les équiper. Et c'est ça qui est émouvant quand on regarde les objets, c'est qu'il y a beaucoup d'objets qui, soit directement, soit indirectement, proviennent des services britanniques. Le fameux stylo Stinger, par exemple, le stylo pistolet, le stylo lance-gaz, un certain nombre de documents qui servent également à chiffrer, à déchiffrer, à décoder, à décrypter, est de fabrication britannique, fourni par les Britanniques. Il y a eu de véritables stages de formation, en effet, et même nos forces spéciales actuelles sont quelque part les héritières des premières forces spéciales formées avec les Britanniques. C'est ainsi qu'à Londres, me disiez-vous, Jean-Louis Crémieux-Briac, on peut embaucher des professeurs de langues anciennes, des spécialistes d'archéologie, par exemple, au sein d'équipes qui comprennent des mathématiciens, des crypteurs, des spécialistes de codage, pour pouvoir justement mettre tout le monde autour d'un même objet, à savoir le codage ou le décodage, pour pouvoir travailler autour de ce sujet-là, Jean-Louis Crémieux-Briac. Ça a été une affaire très particulière, spécifique, qui relevait de MI6, de l'intelligence service, mais qui était tout à fait à part. Dans l'intelligence service même, il y avait au centre un personnage qui s'appelait Léo Marx, qui a fait un très bon livre d'ailleurs là-dessus, qui était un codeur et un décrypteur de génie pour la préparation des agents envoyés en France, la préparation des codes qu'on leur donnait. Ça, c'était une chose, donc. Et c'est lui qui a inventé, on le verra tout à l'heure, je pense, ces codes sur soi. Eh ben on va y aller tout de suite. Approchons-nous de cette vitrine. C'est un raffinement extraordinaire. Je veux dire, les Allemands avaient mis au point une machine à coder extrêmement perfectionnée et de plus en plus perfectionnée à mesure que la guerre a avancé, en y ajoutant des rotors supplémentaires, donc quasiment indéchiffrables. Or, les Anglais ont constitué une équipe pour essayer de décrypter ces codes qui étaient ceux des messages adressés du commandement de la Royal Air Force au commandant des escadrilles, par exemple sur un théâtre d'opération, et les messages envoyés aux sous-marins, et les messages qui étaient, dans la dernière phase, envoyés par Hitler à ses commandants en chef sur le front de l'Est, Rundstedt et Rommel. Or, ces codes, les Anglais ont réussi à les décrypter successivement, c'est-à-dire qu'ils ont décrypté dès 1941 le code de l'aviation, ce qui était à l'époque le code de l'aviation. Ils ont décodé en 1942 le code des messages envoyés aux sous-marins. Et alors ça, ça a été, c'est grâce à ça qu'ils ont gagné la bataille de l'Atlantique. Et puis alors, ce qui est tout à fait extraordinaire, en 1944, au printemps 1944, trois mois avant le débarquement, ils ont réussi à casser le code des messages envoyés par Hitler à ses généraux sur le front de l'Est, qui a permis la percée d'Avranches et puis le très grand succès du débarquement en Provence. Alors, voyons tous ces objets que vous avez rassemblés ici dans cette exposition, Bruno Fuligny avec Catherine Chauchard à la Bibliothèque de littérature policière. On parlait à l'instant même de ces codes sur soi. Alors, on est face à une vitrine qui, a priori, ne nous dit pas grand-chose. On voit évidemment une machine à coder, un cylindre codeur. Donc ça, on se dit, ça, c'est vraiment du matériel de professionnel. Et puis ensuite, des petits foulards avec code imprimé, couleur en noir et blanc, sur lesquels on voit donc des lettres en noir sur des colonnes verticales. Et puis juste à côté, ce sont des lettres en majeur, majuscules. Et puis des petites lettres en rouge, qui sont, elles, des lettres minuscules. On se dit, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Qu'est-ce que ça peut être? Tout cela face à un code FFI numéro 5 en version tissu, version soie. C'est quoi exactement tout cela? Et en quoi c'est si important pour pouvoir comprendre ce qu'est justement l'histoire du codage, du décodage et de l'espionnage pendant la Seconde Guerre mondiale? Alors la cryptographie est un art très ancien, on en trouve des traces dès la guerre des Gaules. César a inventé ce qu'on a appelé le code de César, qui est très facile à pratiquer. Il suffit de décaler dans un message toute lettre de trois rangs dans l'alphabet. Donc le A devient C ou D, bon. Et c'est très simple à décoder. Ensuite, il y a eu des systèmes de plus en plus élaborés, de plus en plus malins, de plus en plus difficiles à casser. Et ce que nous voyons là, ce sont des objets qui servent à produire des messages codés ou au contraire à déchiffrer des messages codés. Ce ne sont pas en soi des messages codés, ce sont des outils pour quelqu'un qui va émettre ou qui va recevoir un message codé et qui va chercher à accéder à ce qu'on appelle le clair. Le clair, c'est donc le contenu du message. Et alors il y a le principe de base qui consiste à remplacer une lettre par autre chose. Alors ça peut être par glissement, on va remplacer une lettre par une autre lettre, soit qui la suit dans l'alphabet, soit en partant d'un mot choisi dans la page d'un livre. Et donc là, on est dans des méthodes qui font un peu penser à ce que développera plus tard Loulipo, tout bêtement. Là, c'est vraiment, je dirais, carte blanche à l'intelligence humaine. Le but est à la fois d'empêcher l'adversaire de connaître le contenu du message et d'avoir la certitude que la personne qui va recevoir le message accédera au clair et surtout dans des délais raisonnables. C'est ça aussi un des enjeux de la cryptographie. S'il faut des mois et des mois pour rétablir le clair, évidemment, on passe à côté de l'objet. Alors, le très bel objet qu'on voit au fond, c'est donc effectivement une roue cylindre codeuse. C'est au départ un type de matériel qui a été inventé à la fin du XVIIIe siècle par quelqu'un qui deviendra président des États-Unis, Thomas Jefferson, qui va être perfectionné par un capitaine français qui est vraiment le génie de la cryptographie à la fin du XIXe siècle. Le capitaine Bazry, qui passe pour avoir identifié le masque de fer en cassant le grand chiffre de Louis XIV. Voilà, on est dans l'aristocratie de la cryptographie. Et ces roues cylindres, elles vont servir, vous voyez, en tournant une manivelle, à savoir que telle lettre dans le message clair doit être remplacée par telle autre lettre dans le message codé. Et si à l'autre bout de la chaîne, quelqu'un est équipé de la même machine, il va pouvoir rétablir le message. Alors, je vous voyais, lorsque nous avons visité pour la première fois cette exposition, Jean-Louis Crémieux-Briac, il y a quelques instants, vous arrêtez devant ce code FFI numéro 5 qui ne dirait rien à personne, sinon peut-être à quelqu'un comme vous. Pourquoi c'est important que d'avoir un objet comme celui-ci, dont le cartel nous dit que c'est une version tissu et qui permettait, lorsque le BCRA est passé à la lutte armée de type guérilla dans le cadre de la libération du territoire national, donc aux équipes parachutées, pour opérer en uniforme derrière les lignes, pouvait être doté donc de ce type de code de chiffrement dont le support est aisément destructible. Pourquoi c'est important? C'était une invention exceptionnelle et la présence de cet exemplaire est aussi quelque chose d'exceptionnel parce que c'est peut-être le seul qui existe encore au monde, ou en tout cas en France aujourd'hui. Dans toute la première période de la guerre, un agent envoyé en France avait un code, mais c'était toujours le même code pour tous les messages qu'il envoyait. Or, l'idée qui a été inventée par Leo Marx, qui était donc le génie anglais de ce secteur, c'était d'envoyer une série de codes, chacun sur un chiffon de soie. L'agent en avait un exemplaire et les services de Londres en avaient un exemplaire. Et après l'envoi des messages d'une journée, la page de soie devait être brûlée. Ah oui. C'est-à-dire que si l'agent était arrêté, l'ennemi ne pouvait pas reconstituer ce qu'avait été le code. C'était donc destructible au fur et à mesure qu'on avançait dans le temps. Au fur et à mesure qu'on avançait dans le temps. Bruno Fulini, donc ça montre aussi la capacité d'adaptation, l'intelligence de ceux qui sont chargés de ce genre de choses. Parce que tout à l'heure, ce que nous racontait Jean-Louis Crémé-Briac, c'est que certains d'entre eux n'avaient jamais eu connaissance de ce type de cryptage, de ce type de codage, de décodage, avant même de se lancer dans le second conflit mondial. Il a fallu, au fur et à mesure, grâce aux intelligences multiples, inventer de nouvelles méthodes, de nouvelles machines et de nouvelles façons de casser les codes ennemis aussi. C'est-à-dire que personne ne naît espion, on le devient. En revanche, il existe des techniques qui se transmettent, mais de façon assez secrète, j'allais presque dire initiatique, de longue date. Et ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est que des jeunes gens que rien ne prédestinait à cette carrière vont recevoir cette initiation, vont avoir accès à des techniques dont ils ne soupçonnaient peut-être pas l'existence, et des techniques qui vont leur survivre d'ailleurs. Car il est évident que plus on utilise un code, plus l'adversaire aura de facilité à le casser, et que la meilleure façon de ne jamais se faire voler son code, c'est de ne l'utiliser qu'une fois. Cette technique qui s'appelle le masque jetable, eh bien on va la retrouver dans le fameux téléphone rouge. Les communications entre la Maison-Blanche et le Kremlin via le téléphone rouge étaient transmises par une technique de masque jetable. On n'utilisait jamais deux fois le même code, donc quand bien même quelqu'un aurait pu se brancher sur la ligne du téléphone rouge, eh bien c'était à peu près impossible de connaître le contenu des échanges. Alors, avançons un tout petit peu dans cette exposition, une autre vitrine qui est celle-ci, qui est une vitrine un peu émouvante parce qu'elle nous dit quelque chose, là aussi, on parle de soie, on parle aussi de tissu particulier, puisqu'il s'agit d'un sous-vêtement féminin à poche secrète. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que ça vient faire, qu'est-ce que vient faire ce sous-vêtement féminin à poche secrète dans une exposition sur l'espionnage, Bruno Fulini? Alors, il ne s'agit pas de chercher l'affriolant et le frivole. Nous avons affaire à un objet totalement unique, c'est sans doute le seul qui subsiste, un caraco en soie que les femmes qui étaient parachutées dans la France occupée portaient sur elles. Le but, c'était qu'elles se débarrassent très vite de leur parachute. Elles étaient bien sûr en civil. Il fallait qu'elles ressemblent à des Françaises comme les autres et qu'elles puissent tout de suite s'infiltrer dans un environnement normal. Elles avaient à même le corps ce caraco qui comporte des poches le long du corps dans lesquelles elles pouvaient avoir de faux papiers, des liasses de billets et même éventuellement de faux billets, des documents à transmettre. Et donc il aurait fallu une fouille relativement approfondie pour se rendre compte qu'elles transportaient cela sur elles. Comme ces habits sont en soie et que la soie était particulièrement rare dans les années d'après-guerre, il semble que la quasi-totalité de ces sous-vêtements ait été retaillée pour devenir peut-être plus affriolant. Ils ont disparu, il ne reste plus que celui-ci, qui témoigne aussi d'une chose, c'est de la participation des femmes à l'œuvre de renseignement. Elles ont toujours, bien sûr, joué un rôle dans le monde du renseignement, mais pendant longtemps, c'était plutôt d'aller chercher du renseignement sur l'oreiller, comme l'a fait Mistinguett, comme l'a fait Matahari. À partir de la Seconde Guerre mondiale, on a des femmes officiers de renseignement qui sont parachutées, qui font du sabotage, qui font de la propagande, qui font du renseignement au sens strict, et nous en avons ici un témoignage tout à fait émouvant. Il a été parachuté pour le compte des services anglais pendant la Deuxième Guerre mondiale, 35 femmes. Mmh. Et pour le compte du BCRA, c'est-à-dire des services français, 11. Oui, donc ça n'est pas négligeable, ce sont des personnalités importantes. Oui, mais... et il faut leur rendre hommage justement ce sens-là, Jean-Luc Crémé-Briac. Je comprends, d'autant qu'un bon nombre d'entre elles, les Françaises ont presque toutes survécu parce qu'elles ont été envoyées et parachutées très tard, presque toutes en 1944. Mais presque la moitié des Anglaises ont été arrêtées par les Allemands, torturées dans des conditions affreuses, affreuses, gardées ensuite, menottées, pieds et mains en Allemagne pendant des mois avant d'être abattues d'une balle dans la nuque. Elles sont d'ailleurs l'objet d'un culte aujourd'hui encore en Angleterre. Leurs noms sont connus, alors qu'on ne connaît le nom d'aucun espion français, enfin d'aucun agent de renseignement français, c'est peut-être Rémy. Oui. mais les Anglais, enfin encore en 2012, ont édité un timbre à l'effigie d'une femme parachutée, en France. Et comment l'expliquez-vous, vous qui connaissez très bien les deux pays, en l'occurrence Jean-Louis Crémieux-Briac, que d'un côté, est-ce que c'est parce qu'il y a une mystique de l'espionnage ou du contre-espionnage, une mystique du renseignement du côté anglais, alors que chez nous, on a eu quelquefois un peu de mal à s'y faire, au bout du compte, à part pour la littérature d'espionnage, bien évidemment, Jean-Louis Crémieux-Briac. N'est-ce pas, il est certain que il s'est développé toute une littérature anglaise autour, non pas des services de renseignement, sauf à travers le Carré, par exemple, mais de la part d'historiens sur l'action du service d'action en France qui s'appelait l'autorité des opérations spéciales. Là, il y a toute une littérature, des souvenirs, des livres d'histoire qui ont donné aux Anglais une vision totalement différente de la résistance française de celle que nous avons en France. Et pourquoi ? Que dit-elle, cette vision, et que dit la résistance? Le service anglais, l'autorité des opérations spéciales, qui a été créée par Churchill pour mettre l'Europe en feu, est aujourd'hui le bénéficiaire d'une publicité et d'une gloire en Angleterre équivalente à celle de la Royal Air Force, par exemple. Ah oui, alors que chez nous, évidemment, tous ceux du BCRA ne sont pas portés sur le pinacle, d'autant que peut-être aussi les dissensions d'après la guerre, les déflagrations qu'il y a pu y avoir à l'intérieur de ce service et de l'extérieur de ce service n'ont pas joué vers une unité de la mémoire, en l'occurrence. Non, la mémoire a été divisée par les crises politiques françaises, les accusations justement contre le BCRA mis en accusation par les communistes, donc la vision est très différente. L'idée que la France était libérée par elle-même, répandue par les Français, par les gaullistes et par les communistes, a mis en évidence surtout la résistance intérieure, les maquis, etc., au détriment de ces agents inconnus, lointains, qui venaient de l'extérieur. Alors, si on s'avance un tout petit peu dans cette exposition, Bruno Fulini, on va passer à d'autres objets de l'espionnage qui nous rapprochent plutôt du contemporain. Là, nous avons une machine à crypter de modèle Agelin, donc C-36, disque Cage à écureuil, qui date quoi, d'avant la guerre, en l'occurrence, avant la Seconde Guerre mondiale, et qui va être perfectionnée par d'autres techniques qui sont derrière nous, c'est ça ? Tout à fait. Bon, il y a une permanence hein, dans le monde du codage, du déchiffrement, du décryptement. Donc la fameuse cage à écureuil dite C-36, c'est une machine qui a été conçue pour être transportable, donc une machine de campagne, à partir d'un bloc de bois qui entrait dans la poche d'un treillis. On a conçu une boîte contenant une machine qui puisse imprimer sur de fins bandeaux de papier des messages codés. Mais en fait, elle utilise des techniques qu'on utilisait déjà manuellement à l'époque de l'affaire Dreyfus. Ici, on a un document de 1896 qui casse partiellement le code utilisé par les Italiens entre leur poste en France et le ministère des Affaires étrangères italien à Rome. Les Allemands avaient leur propre système, bien sûr, de code secret. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir à travers ce registre que même la guerre terminée, les services français vont s'attacher à rassembler les codes allemands et à en produire une sorte de manuel, ce qui va permettre rétrospectivement de lire tous les documents qu'on va retrouver. Il faut bien voir que la DST, elle est créée en 1944 et d'abord sa mission, c'est d'arrêter les criminels de guerre nazis et les anciens collaborateurs qui sont toujours en fuite ou toujours en liberté. Et pour cela, elle a besoin de documents. Donc elle va rassembler les codes secrets des agents SRA, c'est-à-dire des services de renseignement allemands. Elle va trouver d'ailleurs des méthodes très étonnantes. Il y a une méthode, par exemple, qui consistait à transformer un message en une partition musicale. Les lettres deviennent des notes de musique. Pour quelqu'un qui n'est pas musicien, c'est très difficilement détectable. À partir de cela, on va identifier des services allemands, on va identifier des anciens collaborateurs, on va les arrêter. Et il va se passer un basculement en 1947, et c'est le patron de la DST lui-même, Vibo, qui, dans une note de service, ancien des services d'abord de Pétain, qui a basculé ensuite vers la France libre, qui a été un moment à la tête du contre-espionnage interne au BCRA avant d'entrer en conflit direct avec Passy, qui va, en 1944, prendre les rênes d'un service nouveau, lié au ministère de l'Intérieur, mais qui est un service nouveau, la DST. La DST qui va passer en quelques années de la chasse aux anciens nazis et criminels de guerre à la chasse aux communistes et aux espions soviétiques. Et là, il y a un basculement très important. Depuis la guerre de 70, on était obsédé par les espions allemands ou pro-allemands. Et à partir de 47, bien sûr, c'est le bloc de l'Est qui va devenir la menace. On va surveiller à la fois les diplomates soviétiques, les diplomates des démocraties populaires, leurs ressortissants, et puis tous les Français, et Dieu sait s'ils sont nombreux à cette époque, qui se réclament du communisme. Alors ça pose la question, une question fort intéressante, Jean-Luc Rémy-Briac, qui est celle de peut-on avoir été un ancien espion ? Qu'est-ce qu'un espion à la retraite, d'une certaine façon ? John le Carré se posait la question dans certains de ses romans, mais tous ces gens qui acquièrent un savoir-faire, qui n'en avaient pas auparavant, qui acquièrent un savoir-faire pendant la guerre, que deviennent-ils une fois cette guerre terminée ? Alors, ils vont peut-être rester comme Vibeau dans les services nouveaux de l'espionnage ou du contre-espionnage français, mais tout compte fait, on a un savoir-faire unique. Qu'en fait-on après la guerre ? Vous avez une petite idée de cela, vous qui avez travaillé sur cette histoire de la France libre, en particulier des anciens du BCRA ? Oui, un petit nombre d'agents du BCRA sont restés dans les services secrets. Et les autres ? Ils sont rentrés dans la vie civile, ils ont repris leurs recherché un métier. Ce n'étaient pas des professionnels, justement. Donc on peut avoir été volontaires. Une parenthèse dans sa vie, d'une certaine façon. Écoutez, Daniel Cordier a appris à le morse. D'abord le morse, très bon pianiste de morse, et puis il était rodé justement à la cryptographie. Puis après, il est devenu marchand de tableaux. Alors justement, cet après, vous le décrivez dans cette exposition, ici, à une petite vitrine, deux petites vitrines qui sont toutes proches. Là, on est dans la vision classique de l'espion de guerre froide, des petits appareils photographiques minuscules qui permettent de photographier des gens dans la rue, des machines à cryptographier qui sont beaucoup plus petites, des appareils photographiques qui sont placés sur des montres ou encore des appareils qui permettent de repérer des émissions radio dans le secteur. Tout cela, c'est ce qu'on connaît des films de guerre froide, pourrait-on dire, qui sont des films très nombreux autour de l'espionnage. Et John le Carré fait partie de ceux qui ont popularisé cette histoire-là. John le Carré, mais aussi pour une littérature plus populaire, Ian Fleming, et puis en France, effectivement, Jean Bruce, et puis parlons aussi du colonel Rémy, qui n'est pas seulement l'auteur de ses mémoires. Le monocle, c'est lui. Ce que Georges Lautner a popularisé à travers le monocle, c'est aussi une certaine façon de faire du renseignement. Disons que la littérature de renseignement et le cinéma qui s'en nourrit, eh bien, va puiser ses sources auprès de bons auteurs qui ont parfois une connaissance assez intime des techniques et du matériel utilisé. À partir de là, ce qu'on va trouver dans certains romans ou dans certains films correspond tout à fait à du matériel réel, du matériel existant, des choses qui nous font sourire aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, avoir sur soi un petit appareil qui permet de prendre des photos, c'est tout à fait banal, mais à la fin des années 50, au début des années 60, ma foi, c'est exceptionnel. Ce sont de véritables prouesses techniques. Nous avons devant nous le fameux Minox, donc les premiers Minox datent de 1936. Appareil photo miniature. Donc c'est de l'appareil photo miniature tout en longueur, hein, qu'on a tous vu dans tous les bons films d'espionnage. Ce modèle-là est exactement celui qu'a utilisé le fameux Vladimir Vetrov, dit Farwell, qui a tout de même transmis presque 3000 pages de documents secrets soviétiques au service français. Donc ces petits objets qui nous font sourire, eh bien, ont été vraiment les outils de l'espion au cœur de la guerre froide, et pour certains d'entre eux, eh bien, ont permis l'identification, l'arrestation, le démantèlement de réseaux entiers. Et vous, qui êtes aussi lecteur de romans, et en particulier de romans d'espionnage, Jean-Louis Rémy-Briac, quel plaisir avez-vous pris à lire, par exemple, les ouvrages de Le Carré ? Qu'est-ce que ça vous a dit ? C'est en tant que spécialiste, connaisseur de ce qu'est ce milieu du renseignement, que ça vous a intéressé ? Pour une part, et puis alors Le Carré, d'abord, a un grand talent. Il a misé non seulement sur l'action de l'agent de renseignement, mais sur ce qui a été alors un des événements dramatiques dans ce milieu de la guerre froide, c'est-à-dire le jeu des agents doubles, la trahison, la remise en circulation d'agents d'un pays. Enfin, ça, c'est dans l'espion qui vient du froid, c'est tout à fait extraordinaire. Et ça, Bruno Fulini, c'est très important parce que ça participe aussi de la popularisation de ce thème de l'espionnage auprès d'un public beaucoup plus large. Évidemment, on n'est plus là dans ces petits ouvrages de Code FFI numéro 5 sur tissu, mais on est dans une vision beaucoup plus large qui a été popularisée par le cinéma, par la littérature. Et avec un danger néanmoins, c'est-à-dire que le roman et le cinéma, en popularisant le monde du renseignement, a parfois laissé entendre que c'était du cinéma. C'est-à-dire que plus la menace devenait spectaculaire et fictionnée, et moins elle était prise au sérieux par les opinions. Donc c'est à double tranchant, ce qui a obligé parfois les services de renseignement à faire des opérations là beaucoup plus directes, beaucoup plus visibles avec leurs sigles, ce qu'ils appellent de la sensibilisation, pour dire aux responsables politiques, aux responsables d'entreprise, attention, ça n'est pas seulement dans les films. Vous pouvez être enregistré, quelqu'un peut engager la conversation avec vous au cours d'une manifestation sportive et d'un cocktail, en ayant un scénario déjà entièrement écrit pour s'attacher à vous et finir par vous soutirer des secrets. Attention aux hirondelles, attention à toutes sortes de connivences qui peuvent s'établir à votre insu. C'est-à-dire que cette popularisation du renseignement ne va pas forcément de pair avec une culture du renseignement très pointue. Surtout qu'aujourd'hui, nous fonctionnons beaucoup justement sur cette vision de la guerre froide, avec ces appareils un petit peu anachroniques. Et une actualité récente nous a montré que, bien sûr, les services de renseignement, eux, sont déjà sur un autre théâtre. Ils sont déjà dans nos boîtes mail, dans nos ordinateurs, chez nous. En fait, nous payons nous-mêmes les outils qui servent à nous espionner. Donc, cette popularisation par la fiction, elle est loin d'avoir bouclé le sujet. Catherine Chauchat, un dernier mot dans cette exposition ici à la Bellipo, puisque vous dirigez cette bibliothèque de littérature policière. Et d'espionnage. Et cette littérature est une littérature qui a eu énormément de succès, qui en a peut-être beaucoup moins aujourd'hui, qui est peut-être moins populaire, en tout cas qu'elle l'a été. Comment ça s'explique, ce glissement entre, disons, une littérature très populaire de l'après-Seconde Guerre mondiale et puis, petit à petit, ce caractère extrêmement délicat qui a été mis en avant par des John le Carré ou par d'autres, d'une littérature beaucoup plus sélecte que celle de l'après-guerre froide? C'est vrai qu'en préparant cette exposition, on a fait un petit peu l'inventaire de nos collections et c'est étonnant. Étonnant, ce sont des dizaines de collections, des centaines de titres, tout cela sur des années. Enfin, ça dure pendant 30 ans, Le Fleuve Noir, la collection Espionnage, par exemple. Et se forge à cette occasion quantité de stéréotypes qui fonctionnent très bien pendant toute la durée de la guerre froide. Et je rappelle quand même qu'il y a aussi une production énorme entre les deux guerres liée à la Première Guerre mondiale, avant aussi la Première Guerre mondiale, ce que j'évoquais tout à l'heure, le Bosch, l'espion, le traître, etc. Et ça, on l'oublie et on l'a oublié, mais c'est également une littérature très très abondante. C'est vrai que la fin de la guerre froide marque un peu le terme de cette littérature. Il n'y a finalement que Gérard de Villiers, qui est aussi très représenté dans une vitrine qu'on a dans la salle de lecture, où ce sont là des milliers de titres et un succès qui ne s'est pas démenti jusqu'à sa mort. Je ne sais pas s'il y aura une relève, mais le genre n'a plus un tel succès, sauf peut-être à travers des thrillers. Merci donc à tous les trois de nous avoir conduits dans cette exposition. Ici même, on n'a pas pu décrire toutes les vitrines, bien que l'espace soit relativement restreint. Vous avez réussi, Catherine Chauchat et Bruno Fuligny, à mettre à la disposition des visiteurs énormément de dossiers, énormément d'objets, énormément de littérature. On n'a pas décrit ces unes du détective d'avant la Seconde Guerre mondiale, qui mettait à l'œuvre effectivement ces espionnes, cette guerre des ombres, juste avant la Seconde Guerre mondiale, dont vous nous parliez tout à l'heure, donc Jean-Louis Crémieux-Briac. On n'a pas décrit non plus les autres machines que vous avez mis à la disposition, donc qu'a mis à la disposition de cette exposition, la DGSE et la DCRI. Merci en tous les cas de nous avoir conduits dans cette exposition et bien entendu, nous engageons nos auditeurs à venir la visiter. Elle dure jusqu'au 24 mars, donc on a tout l'hiver pour pouvoir profiter de cette exposition au 48 rue du Cardinal Lemoine. Merci encore. Et pas seulement visiter l'exposition, mais aussi participer à des rencontres à la Bilipo, puisque par exemple le 25 janvier prochain, eh bien Bruno Fuligny, que nous avons entendu, rencontrera un ancien officier de renseignement de la DGSE, Jean-Marie Montier, à la Bilipo. Ça sera samedi 25 à 16h25 janvier. Et pour, comme d'habitude, cette émission était préparée par Marie-Vanna Bolivier, Aurélie Marcet, Stéphane Poitvin était à la technique, à la prise de son, et Séverine Cassard à la réalisation.